chansons. Ainsi yon mélodie ka bay frisson. Rencontrer dans la nuit pour moi pe kap tire. Écri yon kan poème ka dire je t'aime. A te fête tout pour moi dire toujours. A te kemé. Et si un jour tu veux aimer moi plus fort.